magazine public des lettres du... Vous allez rester combien de temps à discuter, là? Je comprends pas ce que vous faites. C'est néanmoins redevenu, comme chaque année, le point de rendez-vous du spectacle. Un exemple d'une âme qui n'est pas fraîche, c'est... Quand on montre, quand on rend visible, quand on considère, eh bien tout à coup, ça permet que la pensée circule. Laissez parler les petits papiers à l'occasion papier chiffon. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur cette deuxième émission des Petits Papiers, le podcast du théâtre de la Manufacture. Nous sommes là pour parler de théâtre et pas que pendant 30 minutes. Je remercie tout d'abord Radio Fadjet de nous accueillir dans ses studios et pour la réalisation du podcast. La radio qui fête ses 40 ans cette année. Donc ils ont prévu plein de petites surprises le 7, 8, 9 février, notamment une émission de 40 heures pour les 40 ans. Donc voilà, on les remercie. Vous écoutez peut-être en direct cette émission, mais vous pouvez la retrouver en podcast avec les différentes applis d'écoute. Donc pour ce deuxième épisode, place à la famille. Faire famille, qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont les représentations de la famille au théâtre? Montrer l'intimité permet-il d'en apprendre plus sur notre société? Nous aide-t-il à la comprendre? Eh bien, élément de réponse avec les spectacles au programme de cet acte 8, c'est-à-dire la suite de la saison de janvier à juin au Théâtre de la Manufacture. En avril, nous plongerons dans la sphère familiale franco-marocaine avec Fidélité ou la Panenka d'Hakimi, où la question de l'identité va se poser pour les trois générations d'une famille. Nous irons en Belgique avec Les yeux noirs de Céline Delbecq, une pièce émotionnellement forte qui explore les rapports de domination au sein du couple et de la violence dans l'intimité. Je pense également à d'autres familles que la mienne, d'Estelle Savasta qui répond à ma première question « Qu'est-ce qui fait famille ?» L'autrice et metteuse en scène tente de répondre en interrogeant les familles d'accueil. Elle a mené l'enquête pour nous auprès d'éducateurs, de juges, d'enfants placés qui sont devenus adultes, sans oublier Rebecca Chaillon qui revient à Nancy et qui décortique la parentalité avec la daronnerie, la création partagée qui se construit toute l'année en compagnie d'amateurs et d'amatrices de tous âges, comme mes trois invités autour de cette table aujourd'hui. Mais avant de vous laisser la parole, je vous parle de famille au théâtre, mais comment ne pas évoquer la place des familles dans un théâtre, une place toute particulière au Théâtre de la Manufacture, car l'enjeu est de proposer des spectacles pour toutes et tous, du spectateur qui vient pour la première fois au spectateur qui a 40 ans de carrière derrière lui, ou à ceux de demain, en construisant une vraie programmation jeune public qu'on appelle chez nous la petite manuf. Et donc je disais, pour en parler aujourd'hui, je suis accompagné de trois jeunes spectateurs et spectatrices qui ont leur vision du théâtre et de la famille. Bienvenue à Charlie Turello, Lana Ferrazzi et Alice Béraud. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Donc vous trois, vous êtes étudiants, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Lycéen. En terminale à Chopin. Terminale à Chopin. Et vous n'êtes pas que étudiants, vous allez jouer sous la direction de Rebecca Chaillon aussi cette année. Ouais. C'est ça, ouais. Donc on va en parler là dans la deuxième partie. Avant de vous redonner la parole sur les raisons de votre venue, première question et non des moindres, c'est quoi pour vous la famille? Qui veut commencer? Je commence. Vas-y. Alors, pour moi la famille, c'est avant tout peut-être une éducation, je dirais. C'est une éducation qui, bien sûr, va dans un sens, du parent vers l'enfant. C'est lui apprendre les bonnes mœurs, lui apprendre les règles de la vie, les règles de bienséance. Mais je pense aussi que les parents ont beaucoup à apprendre des enfants aussi. J'y réfléchissais et en fait, je me suis dit, mais il y a plein de choses que nos parents auraient à apprendre de nous aussi, enfants. Par exemple, je pense à des choses toutes simples comme... le bonheur, par exemple. Le bonheur, un enfant, ça veut purement s'amuser, ça veut purement du bonheur. Et ça peut nous apprendre, je pense, à vivre dans l'instant présent, à pas essayer de vivre dans un passé qui a existé, ou à vivre dans une angoisse du futur qui pourrait arriver ou ne pas arriver. Moi, personnellement, je rejoins un peu Charlie. Ouais, je pense que la famille, c'est un point de départ qui peut nous lancer et... Nous mener sur un chemin qui nous appartient. Après, il y a toujours des divergences, mais oui. Je suis d'accord avec les deux camarades. Ouais, non, c'est un espèce d'élan, en fait. C'est quelque chose qui nous accompagne pendant notre vie, donc plus au début qu'à la fin. Mais on peut y retrouver des choses tout au long de notre petit chemin. Bah écoutez, vos trois réponses sont intéressantes. Donc moi, je suis un peu plus âgé que vous. J'ai une petite fille qui a 4 ans et demi maintenant. Et c'est vrai, ce que tu disais, c'est qu'on apprend, on apprend de ses parents. Et puis après, quand on devient, ou alors quand on a des petits frères, ou quand on devient père ou mère, etc. Mm-hmm. On apprend aussi, en fait, même si on n'était pas prêt, on apprend quand même de l'enfant. Il faut juste être réceptif à ça, et t'as compris, en fait. Je pense qu'on apprend de tout le monde, et que ça soit des parents ou des enfants, il arrive à un âge où bah, on a les deux, on a les parents, puis on a ses enfants, donc on apprend un peu de tout le monde. Bon, j'ai une deuxième question avant qu'on passe à la suite. C'est quoi votre première fois au théâtre ? Moi, je me rappelle, c'était pas avec la famille, c'était avec l'école. On est allé voir La Belle et la Bête. Je crois que ça m'avait pas trop plu, mais il fallait bien faire une première fois et un premier jet. Moi, je sais plus trop ce que c'est en vrai, mais ça devait être sûrement, je sais plus, avec l'école, ouais, pareil. Mais celle dont je me souviens le plus, bah, c'était en seconde, il y a 2 ans. On avait été voir Andromaque avec le lycée. À la manufacture, et c'était ma première expérience de théâtre classique, on va dire. C'était assez chouette. Moi, c'est comme Alice, c'est Andromaque de Julia Vidi. C'était à la manuf ? C'était à la manuf, ouais, c'est ça. Andromaque, c'était Élodie Séguy. Ah oui, Élodie. Oh, là, là. Il confond les femmes. Ah, ça commence mal. Oui, c'est Élodie Séguy. T'es pas le seul à avoir fait, c'est drôle d'ailleurs. T'es pas la seule personne. Il y a un monsieur il y a une semaine qui m'a dit la même chose. Eh bah ouais, qui a confondu les deux, donc je sais pas. Putain, c'est pas vrai. Ou alors vous êtes tous sexistes. C'est ça, ouais. Ça. Non, ouais, parce que ça m'a beaucoup marqué. C'était assez impressionnant pour commencer, surtout en seconde, je trouve. De commencer par ça, c'était quand même un gros morceau, je trouve. Donc c'était vraiment une expérience très très cool. Ok, bah peut-être qu'on... je vais poser la question maintenant. Vous êtes tous en option théâtre. Spécialiste. Oui, autant pour moi. Qu'est-ce qui vous a amené, j'avais pas préparé cette question, mais qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette spécialité ? Moi, c'est les copains. Charlie et Alice, ils faisaient déjà du théâtre. Moi, j'étais en art plastique. Et ça m'a plu, enfin, ça m'a vraiment touchée. Et j'ai décidé d'en faire pour pouvoir participer à ça. Ben moi, je faisais déjà du théâtre au collège et en seconde, donc j'avais l'option musique-théâtre. Et en première, je me suis dit, bon, ben, la spécialité, ça va être la continuité. Et comme j'aime ça, c'est pratique, quoi. Les copains aussi, faut pas se cacher. Lana, que j'ai rencontrée avec le théâtre, avec qui on est devenu très, très amis. Plein d'autres amis que je citerai pas parce qu'on n'a pas le temps et puis c'est pas le lieu. Bon, bah, plus les amis que la famille. Il y a toujours cette dualité amis-famille. C'est intéressant. Mais on va quitter le domaine de l'enfance pour l'heure, même si c'est l'heure de la récréation. Alors, récréation ou plutôt recréation. Donc, on va vous parler du Menteur, mise en scène par Julia Vidi. Une pièce qui a été créée en 2017. Donc pourquoi je vous parle de cette pièce ? Eh bien parce que Julia Vidi reprend Le Menteur de l'auteur français Pierre Corneille, la dernière comédie baroque qui date de 1644 de cet auteur, l'une des plus célèbres, et un avant-goût de la comédie qui fera suite avec un certain Molière. Une comédie de quiproquos, de mensonges imbriqués les uns des autres et d'illusions. Programmée au bac, mais l'occasion était toute trouvée pour Julia Vidi de créer ce spectacle qui fut arrêté suite au Covid. Elle nous en dit plus sur les coulisses de cette récréation. J'ai pu l'interviewer avant-hier. Bonjour Julia. Bonjour. Alors, en février, tu vas recréer un spectacle qui s'appelle Le Menteur. Est-ce que tu peux nous pitcher ce spectacle en quelques mots ? C'est un exercice difficile parce que l'intrigue, elle est très compliquée, elle a plein de ramifications. C'est l'histoire de Dorante qui revient de Poitiers pour arriver à Paris où il va embrasser une carrière d'épée alors qu'avant il était plutôt dans le droit. Et donc il va partir à la guerre, et avant il passe par Paris, et à Paris il a envie de vivre et notamment de tomber amoureux. Mais alors il pense que Paris, pour se faire une place, il faut se la jouer, quoi. Et donc il va rencontrer une femme, Et puis, pour la séduire, il va commencer à raconter des mensonges. Donc, la pièce porte bien son titre, c'est le menteur. Et en fait, de mensonge en mensonge, il va lui-même se mettre dans une intrigue complètement folle. Et il va payer cher. Alors, tu l'as créé à Nancy en 2017, ce spectacle. Pourquoi ? Pourquoi cette recréation ? Qu'est-ce que ça implique, une recréation ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, d'abord, c'est une œuvre qui m'habite depuis très longtemps. Moi, j'avais joué le Cid comme actrice, le Cid de Corneille. À ce moment-là, j'avais découvert la pièce, donc c'est déjà il y a très longtemps, c'était en 2006. La pièce ne m'avait pas quittée, je la trouvais drôle, cruelle, très forte sur ce qu'elle raconte. De notre capacité, de notre envie de se donner une place et donc de qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour prendre cette place. Donc effectivement, après, je l'ai montée en 2017 à Nancy. Elle a tourné, elle a été amputée un peu par la pandémie, donc il y avait une frustration. Et puis ça fait partie des œuvres qui sont très grandes, très larges et une langue qui est qu'on n'a jamais fini. C'est pas une œuvre dont on a fait le tour en fait. On peut toujours l'explorer. Elle est comme sans fin dans ce qu'elle propose. Donc il y a l'envie de ne pas être frustré, de la reprendre parce que c'était une aventure extrêmement joyeuse et une œuvre qui m'inspire et qui n'a pas fini de m'inspirer. Et puis après, il y a un contexte aussi budgétaire qui est difficile. Et donc, je trouvais que plutôt de recréer un spectacle, étant donné que j'avais déjà le décor, que j'étais contente de ce décor, de cette mise en scène, j'avais plutôt envie de la reprendre, de voir ce que le temps avait fait sur les choses. La distribution est modifiée. Il y a des acteurs qui ne pouvaient pas reprendre l'aventure parce qu'ils étaient occupés sur d'autres projets. Donc, il y a une partie de la distribution qui a changé, notamment le rôle principal d'Orante et son suivant, Cliton. Donc, du coup, d'avoir des acteurs différents dans les rôles change complètement ce que j'entends, ce que je vois. Donc, c'est très, très excitant sur l'exercice de mon art, sur le théâtre, quoi, de se dire « Ok, c'est pourtant le même espace, pourtant la même mise en scène, mais on ne peut pas dire que ce soit la même mise en jeu puisque ce n'est pas les mêmes corps, les mêmes voix et puis les mêmes personnalités qui sont au service du texte. » Donc, de recréation. Exactement. Qu'est-ce que ça implique concrètement dans les faits ? Alors, on adapte les costumes avec les nouvelles personnalités, les nouveaux corps des nouveaux acteurs. Je pense aussi que, en fait, ça implique une redécouverte et ne pas avoir peur de ce qu'on va redécouvrir. C'est-à-dire, je redécouvre et je me dis « Ah !» Et ne pas avoir peur de modifier des choses, aussi bien en costume, lumière, son, scéno, même si la scéno, c'est plus compliqué parce que c'est quand même une scénographie imposante en miroir et donc... très ingénieuse et que je suis convaincue de cet espace pour raconter l'histoire. Ce que ça implique aussi, c'est de ne pas avoir peur de se dire bah non, mais ça, ou d'aller plus loin dans une idée, d'être plus radicale, ou au contraire, de peut-être à l'époque de la création, il y a des choses que j'ai voulu beaucoup expliciter, beaucoup traduire, et peut-être là, je vais me dire mais en fait, on comprend très bien d'être moins pédagogique. En fait, voilà, et c'est très rare de pouvoir faire ça, de reprendre un spectacle. Après des années. Et j'allais dire aussi, ce qui change, c'est que quand même sur la distribution de 8 acteurs, il y a 6 acteurs qui restent les mêmes, pour lesquels le temps a passé. Et donc, ils ont vieilli. Et donc, la pièce aussi est descendue en eux. Et j'imagine, enfin, je suis même sûre, que quand on va se retrouver avec les mots de Corneille, ça va être très, très concret pour eux. Le temps va avoir passé. Et donc... je pense que ce vécu qui a été emmagasiné il y a quelques années, il va être au service de ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Alors, si tu me le permets, j'ai envie de tirer ce fil. Tu évoquais le fait d'avoir des acteurs qui changent la perception du monde qui change et un monde en perpétuelle évolution et changement. Justement, il y a une phrase que tu apprécies qui est « si mentir, c'est dire vrai », alors dire vrai est un contre-pouvoir. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette phrase et surtout de quelle manière elle résonne aujourd'hui à nos oreilles ? Alors, cette phrase-là, si mentir, c'est pouvoir, alors dire vrai, c'est un contre-pouvoir. Cette phrase, elle est de Guillaume Caillet et moi. Donc, Guillaume Caillet, il a adapté le spectacle, la pièce de Corneille. Pourquoi on l'a adapté ? Peut-être dire un petit mot là-dessus, c'est... en fait, moi, je suis dans un dialogue avec cette pièce. Ça ne m'intéresse pas tellement, et je ne saurais pas le faire, de monter la pièce telle qu'elle a été montée au moment où elle a été écrite. Donc, je la monte au XXIe siècle. Et donc, se dire comment on peut dialoguer avec ce patrimoine, qui est donc, porte bien son nom, c'est-à-dire aussi écrite par un homme, avec un contexte d'écriture bien particulier. Hein. comment on peut dialoguer avec et au fond, pourquoi cette pièce, pour moi, résonne à ce point-là aujourd'hui. Hein. Alors, on a adapté, et dans cette adaptation, on a donné une place beaucoup plus importante aux femmes, au rôle féminin, même si Corneille, franchement, leur donne une très très belle place, déjà. Et donc, notamment, un rôle féminin qu'on a épaissi et qui devient un double du menteur. C'est-à-dire, je me suis dit, menteur, c'est pas l'apanage des hommes, hein, les femmes savent aussi mentir et peuvent aussi très bien mentir pour avoir plus de pouvoir. Ça, c'est une des premières choses qu'on a vraiment modifiées dans la pièce de Corneille. Et puis, c'était aussi, à la fin, Corneille fait dire à un personnage « Apprenons à mentir ». C'est la dernière phrase du texte. Et cette phrase m'agace beaucoup. Pourquoi ? Parce que moi, je crois vraiment que le théâtre, c'est un exercice de vérité. Je ne pense pas du tout que les acteurs soient des menteurs. Je pense que les acteurs, au contraire, cherchent la vérité. Ils cherchent la vérité en travaillant sur l'illusion, en travaillant sur le faux. Et donc, avec Guillaume, on se disait, en travaillant sur l'adaptation, on se disait, mais on ne peut pas laisser le spectateur avec cette conclusion. Apprenons à mentir, ce n'est pas possible. Et donc, il y a un personnage dans la pièce qui est un copain de Dorante, qui est un peu philosophe, qui voit que Dorante ment, et qui va, intervenir et dire au personnage qui dit « Apprenons à mentir », mais enfin, tu ne peux pas dire ça. Et là, il y a un petit épilogue, en prose, hein, écrit avec une langue d'aujourd'hui, qui dit « Mais enfin, tu ne peux pas dire ça. » Et tu ne peux pas dire ça parce qu'il y a une vérité. Et l'autre lui dit « Mais quelle vérité ? De quelle vérité tu parles ?» Et là, il va parler de la vérité concrète, la vérité des corps, la vérité de l'histoire. Il y a quand même des choses qui sont des faits concrets et qu'on pourrait dire que ce sont des faits vrais. Et ça, je trouve que c'est important. Et alors aujourd'hui, ça résonne, puisque même les plus grands dirigeants, hein, récemment élus et, ou moins récemment élus, peuvent asséner des choses qui ne sont pas vraies. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai, mais ils les disent par des canaux officieux, c'est contredit dans la seconde d'après, enfin... Donc, il y a ces fameuses fake news, et pire que ça, je trouve que c'est même pire que des fake news, c'est comment on manipule, en fait, l'opinion avec des faits qui sont faux. Donc, c'est comment on peut avoir un regard là-dessus. Et je me dis, bah oui, alors si mentir, c'est pouvoir, puisqu'on a des grands dirigeants qui accèdent au pouvoir alors qu'ils manipulent et qu'ils mentent, et bah, dire vrai, c'est un contre-pouvoir, et c'est pas mal. C'est-à-dire se dire, s'accrocher à vérifier les faits, vérifier ce qu'on dit, aller s'informer, savoir démêler le vrai du faux, c'est pas rien. Et si c'est pas accéder au pouvoir, alors ça veut dire c'est exercer un contre-pouvoir. Et je pense qu'il y en a, besoin aujourd'hui d'exercer un contre-pouvoir. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Merci. Eh bien oui, effectivement, merci à Julia Vidi d'avoir répondu à mes questions. Le menteur, c'est à découvrir ou redécouvrir du 25 février au 1er mars au Théâtre de la Manufacture. Avant qu'on passe à la suite, j'ai une petite question en rapport avec le menteur, mais plus généralement en rapport avec les classiques. C'est quoi votre rapport avec les pièces classiques ? Mmh. Ouh. Je pense qu'on y est quand même exposé souvent en cours. Ouais, en spécialité, du coup, ouais, on est quand même pas mal exposé... aux œuvres classiques, que ça soit en merde, j'ai oublié le nom, j'irais en alexandrin, ou alors que ça soit en prose, ouais. C'est vrai qu'on est souvent face à des pièces qu'on pourrait dire classiques, oui, mais il y a quand même pas mal de pièces aussi qu'on pourrait dire contemporaines entre guillemets, hein. Je pense par exemple cette année on travaille sur Tony Kusher, Angel in America, qui est quand même classique, contemporaine. Après, je pense qu'on arrive à s'approprier. C'est des thèmes qui sont qui passent à travers les années, et donc on peut se saisir. Donc c'est plutôt agréable de voir un petit peu les deux versants. Bah moi, je vous avoue, je te coupe, je te coupe la parole. Tout, mais je vous avoue qu'avec l'âge, quand tu quittes les études, etc. Et ben, j'ai de plus en plus de mal à rentrer dans les classiques parce que c'est moins dans mon quotidien. T'étudies moins les textes et tout, et du coup, la langue, elle devient de plus en plus éloignée, la langue classique et tout. Donc c'est vrai que c'est intéressant de vous entendre répondre là-dessus. Je t'en prie, tu disais, Alice. Non, je disais juste, pareil que Lana, je trouve que les thématiques, elles sont universelles en fait, donc ça nous touche, même si c'était il y a super longtemps, quoi. Donc même si la langue, ça peut des fois être une barrière, je trouve qu'il y a quand même des thèmes qui reviennent. Enfin, voilà. Bah comme nous a mis en parallèle Julia dans l'interview, il y a pas mal de parallèles à faire sur des œuvres. Vous m'avez parlé d'Andromaque, qui est une œuvre qui a je ne sais combien d'années, ou Antigone cette année qu'on a joué au Théâtre de la Manufacture, qui a plus de 2000 ans, et il y a des échos encore actuels. Donc on va rentrer dans le sujet. Donc vous êtes tous les trois étudiants lycéens, vous faites partie de l'ADN de la ville. Je rappelle qu'à Nancy, c'est quand même un sixième de la ville. Donc il y a 47 000 étudiants à Nancy sur une ville de 120 000, 110 000 habitants. Donc c'est énorme. C'est quoi votre consommation de spectateurs de théâtre ? Est-ce que vous allez souvent au théâtre ou pas que au Théâtre de la Manufacture, mais ailleurs, ou ça reste vraiment dans le cadre scolaire, où vous en voyez déjà pas mal aussi dans le cadre scolaire ? Moi, je dirais qu'on y va une fois par mois, à peu près. À peu près, ouais. Ouais, avec le lycée, mais après, on va aussi voir des... Bon, on est allé voir le spectacle des étudiants du conservatoire. Enfin, moi, Lena. Ouais. Après, je sais que moi, la semaine, je suis en ville parce que je suis au lycée et que je suis interne, mais que plus généralement, je suis en campagne et donc il y a moins de théâtre et j'ai moins eu la chance, petite, directement d'être exposée à ça. Donc ouais, ça se base plus sur les cours que je peux y aller, quoi. C'est vrai que je rejoins vachement Lana là-dessus, sur le fait que c'est quand même vachement urbain, maintenant, le théâtre, qu'on le veuille ou non. Hein. Maintenant, malheureusement, c'est surtout dans des grandes villes ou alors dans des villes, quoi, pas dans des villages, malheureusement. Et ça devrait peut-être plus s'exporter vers les villages. Mais après, moi, près de chez moi, il y a une compagnie. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une compagnie, mais en fait, ils appellent des spectacles pour faire une espèce de tournée dans tous les villages. Donc ça s'appelle Summer d'art. Et du coup, l'été, enfin, je sais plus c'est quoi la saison, mais il y a des spectacles tous les week-ends. Et du coup, ça va, on a une accessibilité quand même. Et ils sont itinérants, ils passent de village en village? Ouais, ou, okay. Ouais, le cool, spectacle, ça, ouais. Ouais, c'est un week-end, ils sont là, et puis... Ils font plusieurs villages, vendredi, samedi, dimanche. Non, bah, c'est super intéressant ce que vous dites, et c'est en lien aussi, c'est quand même le podcast du Théâtre de la Manufacture, je comptais pas en parler aujourd'hui, mais le fait que de votre bouche, vous dites que c'est réservé à une population urbaine, que vous êtes la semaine par exemple, et ben, nous au théâtre, ça fait quelques années, on fait des créations itinérantes, donc c'est marginal, je sais qu'il y a Seine et Territoire qui fait ça aussi en Lorraine, bah, de faire venir le théâtre dans le milieu rural, en fait, de créer directement là-bas et de pas créer dans des théâtres. Donc ça implique des créations itinérantes, ce qui veut dire que c'est des pièces qui peuvent jouer n'importe où, dans des salles des fêtes, dans des salles de classe, mais ça fait partie de cette grande décentralisation théâtrale où ça a commencé dans les années 50-60, où on a décentralisé de Paris, parce que avant on disait pas le théâtre c'est dans les villes, on disait le théâtre c'est à Paris. Donc on a commencé à aller en région, comme ils disent. Et puis là, peut-être que c'est aussi le moment que ça sorte des villes, justement, le théâtre. Et puis de toute manière, toujours le travail des petites compagnies et des compagnies dans le milieu rural. J'en viens à ma deuxième question. Qu'est-ce que vous attendez d'un spectacle contemporain ? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'il y a des choses que vous attendez, des thématiques, des choses comme ça, et que ça... Je ne sais pas ce que vous attendez. Non, si, les spectacles contemporains, moi j'attends que ça change quelque chose en moi, afin que ça, je ressorte changé et que ça fasse débat, que ça parle de vie, de politique, enfin de tout ce qui nous entoure, quoi. Ouais, un engagement avec même. Je pense que la provocation, si elle est bien dosée, c'est aussi important de. Enfin, pas choquer les gens, mais les interpeller assez pour qu'ils se remettent en question et qu'ils se posent des questions qu'ils ne se seraient pas posées avant d'être rentrés au théâtre, quoi. Yes. C'est ça, c'est essayer de faire bouger les choses à notre rythme, quoi. Essayer quand même... Oh, excuse-moi, je ne parle pas dans le micro. C'est essayer quand même de faire avancer les choses. Essayer quand même, oui, c'est ça, de faire secouer un peu les têtes quand même. Qu'on se réveille un peu... Surtout nous, les jeunes, il faut qu'on se réveille, on est quand même, on est quand même l'avenir, quoi. Donc il y a plus un intérêt sociologique ou documentaire ou carrément social dans le théâtre contemporain. Bah, moi, je trouve que l'intérêt de l'art et du spectacle vivant, ça réside là, en fait. C'est de créer des petites histoires ou des situations données dans un lieu, quoi, dans un théâtre, pour parler de choses un peu plus grandes. Eh bien, on arrive au cœur de notre sujet et la, vraiment la raison la plus importante pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. On a parlé de votre rapport en tant que spectateur de théâtre, mais là, on va plutôt se pencher sur votre métier d'acteur et d'actrice yes, cette année. Donc, vous allez jouer et vous travaillez avec Rebecca Chaillon, qu'on connaît pour Plutôt vomir que faillir, Carte noire nommée désir, et tant d'autres performances qui sont connues et reconnues. Et ben Rebecca, elle a accepté de s'emparer de la création partagée. Donc, ce qu'on appelle partagée, c'est une partie d'acteurs, d'actrices pro et d'actrices amateurs de tous âges. Et dans cette création, Rebecca, elle décide de questionner la parentalité dans ce spectacle qui s'appelle La Daronnerie. Première question avant qu'on parle de La Daronnerie en tant que telle, c'est pourquoi vous avez participé à cette création ? Moi, j'ai participé parce que j'avais assisté en tant que spectateur à celle de l'année précédente, Kintsugi, et j'avais vraiment ressenti quelque chose de fort et une cohésion que j'avais envie de participer à ça l'année prochaine, quoi. Ouais, c'est ça, pareil. En fait, j'avais envie de participer, enfin de créer, de vivre une expérience théâtrale unique. Voilà. C'est ça, c'était surtout faire du théâtre en dehors de ce qu'on faisait déjà en spécialité, qui était quand même assez autour, on était quand même autour de nos classiques, autour de toutes nos œuvres qu'on doit travailler cette année. Et là, je trouve que c'était vraiment intéressant de pouvoir travailler autrement que de manière trop scolaire, je trouve, quand ouais, même. Ouais. Et pour apprendre d'autres trucs que... Mm. Ouais. Bah justement, vous connaissiez Rebecca avant de travailler avec elle cette année ? Vous aviez déjà vu des choses ou entendu parler d'elle ? Non. Juste carte noire, mais sinon, après, je n'ai jamais entendu réellement parler d'elle, mais c'est toujours un plaisir de rencontrer une nouvelle tête et de travailler avec. Pareil, très vaguement. Plutôt vomir que faillir, moi, j'avais entendu parler. Ouais. Mais j'avais pas vu le spectacle. Moi non plus. Alors du coup, vous aviez peut-être des attentes. Là, ce qui est intéressant, quand je vous entends parler, quand vous comparez aussi avec les classes théâtre et tout, c'est que sur cette création partagée, comme son nom l'indique, il y a un partage entre amateurs, pros, etc. Mais il y a aussi des confrontations entre les âges, entre les genres aussi. Vous pouvez nous en parler de ce qui se passe, pas au quotidien, mais dans votre rythme de travail, quand vous travaillez, qu'est-ce que vous en tirez de cette expérience-là ? C'est ultra nourrissant. Enfin, ça apporte vraiment quelque chose de travailler avec des gens plus vieux que nous, plus grands que nous. Enfin, ça apporte vraiment une autre dimension. Et c'est vraiment touchant. Enfin, peu importe l'âge, on ressent les mêmes choses. Enfin, c'est simple, c'est logique, mais ça fait du bien de le voir un peu. Ouais. Surtout, comme on parle de sujets assez, qui peut parfois être assez sensibles, qui est la famille, parfois ça peut être un poids, je trouve. Et le fait qu'on soit... un peu une communauté, je trouve, on est vraiment une équipe, bien entouré. Et je trouve qu'en fait, vraiment, ça te permet d'aller encore plus de l'avant, de te donner encore plus à fond et de et du coup d'aller encore plus vite et d'aller encore plus avoir envie d'aller au fond du projet, quoi. Puis en tant qu'enfant, avoir la perspective d'un parent aussi, c'est C'est ça. Il y a de tous les âges, donc on a des témoignages, d'expériences qui sont pas du tout les nôtres. C'est ça. Mais on peut quand même essayer de se mettre à la place, ou pas forcément se mettre à la place, juste les entendre, et que ça fasse partie de notre spectre de connaissances. Mais du coup, vous qui êtes à l'intérieur de la création, nous n'en sait pas beaucoup plus, en fait, depuis des mois, vous travaillez assez souvent. Vous travaillez sur quoi ? Sur votre rapport à vous, à la parentalité, de vos vécus ? Comment c'est de travailler avec Rebecca, en fait ? C'est notre vécu à nous, mais on essaye de l'universaliser, mais tout en gardant, je pense, une sincérité. Et pour l'instant, ça se base plus sur la performance. Et on n'a pas encore de fil construit, mais on y travaille. J'ai quand même une dernière question. Vous avez déjà un peu répondu. Essayons de se projeter. Il reste encore 4 mois, je crois, 5 mois avant, avant la première. 5-4 mois. Qu'est-ce que vous allez en tirer de cette expérience-là, de cette année ? Wow. C'est dur, c'est d'avoir un recul que vous ne pouvez pas avoir encore, puisque ça ne s'est pas complètement fait. Mais si vous vous projetez dans 5 mois. Mais quand vous allez devoir vous dire adieu et tout. Ah non, arrête. Bah, je pense qu'on sera fiers déjà d'avoir créé quelque chose de A à Z. Enfin, pas nous, mais le groupe. Si, ouais. Ouais, un peu. Et ouais, c'est sûr, bah, c'est sûr que ça va être dur de ne pas revenir tous les week-ends. Enfin, les week-ends... le week-end de créa, ouais. Bah, c'est ça. Mm. Ça va me manquer. Ça, c'est vrai que ça va me manquer. On versera peut-être une petite larme, mais c'est quand même une chance. Et puis, ça sera vrai. Déjà là, maintenant, c'est enrichissant. Alors, dans 5 mois, j'imagine même pas ce que ça va donner. Quoi. Je vous ai trop rendu très. Non, mais. Faut pas penser. Du coup, c'est quoi, c'est quoi vos prochaines étapes de travail, là, pour le coup, sur la création partagée? Faut qu'on parle des stages, du coup. Là. Ah oui. On en profite. La daronnerie. Cherche des jeunes entre 17 et 24 ans qui souhaiteraient faire un stage en février, je connais plus les dates. La première semaine des vacances de février. Mmh. Et la daronnerie cherche des jeunes pour participer avec nous à la daronnerie. En fait, ça sera... nous, on est le groupe principal et il y aura deux... Il me semble qu'il y en a deux, hein, groupes de stage, ouais, qui vont se rallier au projet principal pour faire un tout. Voilà. Donc dans la semaine du 10 au 14 février, de toute façon toutes les infos sont sur le site internet du Théâtre de la Manufacture ou sur les réseaux sociaux comme Instagram, on a mis toutes ces infos. La daronnerie, 29 mai, 30 mai et 1er juin, si vous voulez voir cette création partagée qui va être une très belle aventure, en tout cas quand on vous entend, on a hâte. Dernier petit tour de table avant qu'on se quitte, puisque c'est déjà l'heure, c'est passé extrêmement vite cette émission. Est-ce que vous avez un coup de cœur de spectateur ou une dernière expérience que vous avez vécue qui vous a marqué ou une pièce que vous avez hâte de voir, que vous attendez beaucoup? Pas forcément à Nancy, peut-être ailleurs, où vous voulez. Moi, j'ai envie de faire de la pub pour un copain qui s'appelle Noam Villa et donc qui est jeune comédien qui va faire sa première mondiale le 30 janvier au Théâtre Ouvert du Luxembourg pour Sarah Hugo. Donc voilà, j'ai envie de lui envoyer de la force et ça fait plaisir. Mmh. Moi, en coup de cœur de spectateur, j'en ai plusieurs. Il y a Les Possédés d'Ilfurt qu'on a vu l'année dernière au CCAM. Ça, c'était vraiment c'était incroyable en fait à voir, à vivre. Et sinon, cet été, j'ai vu une pièce avec Summer Dar, donc dans ma petite campagne paumée. Ça s'appelle Road Movie. C'est du collectif Xanadu et c'était pareil. C'était en fait j'avais envie de le revoir et le revoir et le revoir encore. Voilà. Moi, je suis avec l'école, on allait voir l'Avare du coup, et qui est passé du coup à la manufacture. Et je trouve que c'était très très impressionnant tout ce qu'on a pu faire autour de ce jeu et toute cette espèce d'aventure assez drôle de ramener un objet pour ensuite créer une pièce qui est totalement... innovante et qui change chaque soir. Je trouvais que c'était assez drôle à regarder. Et puis l'équipe était franchement impressionnante. De tout faire sur le plateau, c'était ultra enrichissant et ultra intéressant à regarder. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour vos recommandations et vos coups de cœur. Bah, c'était très intéressant d'échanger avec vous. C'était très court, c'est passé super vite. Peut-être on se reverra bientôt. Peut-être je vous réinviterai à ce micro. Avec plaisir. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast, comme je le disais. On a les 40 ans de Fadjet qui arrivent très très bientôt. Et puis nous, prochaine émission, troisième épisode consacré à Micropolis, notre petit festival de printemps. Et pareil, on aura des surprises avec un plateau radio pendant le festival. Mais avant ça, on va se retrouver avec un troisième épisode qui va arriver très très prochainement. Voilà, restez connectés. Et puis je vous dis à bientôt et merci à vous trois. Merci.